dans un monde où le sombre m'attire comme un aimant. Un monde où j'ai encore le corps gelé du trajet en scooter effectué depuis mon taf pour arriver chez moi. Un monde où j'ai plus de facilité à vous écrire qu'à prendre des nouvelles des personnes qui ont déplacé des montagnes pour moi quand j'étais au plus bas. Bienvenue sur Tackle Pain Wild. Éternelle remise en question. Dois-je faire du sale ou de la poésie? Dois-je écrire en alexandrin ou enculer toutes les pédales qui mérissent le poil à longueur de journée? Ce soir, on va rappeler Guillaume. J'ai lu vos commentaires et je crois qu'un débat s'impose. On va lui donner la parole parce que vous avez raison. C'est pas juste qu'il n'ait pas le droit à la parole. On fume notre dernière clope avant de devoir retourner chez la PAC-PAC acheter 5 cigarettes à l'unité. On décale la boule gauche qui commence tout juste à faire fusion avec le canapé et on boit pauvrement les dernières gorgées de cette DSP 50 centilitres en alu qui va retapisser les chiottes du resto coréen de demain midi. Pour la première fois depuis mes débuts, j'ai reçu plusieurs mails consécutifs me demandant mon PayPal pour me faire des dons. Gardez vos sous les mecs, et allez aux putes, ce sera plus efficace. Si je dois gagner ma vie au rythme de ma passion, je serai probablement trop idiot pour en faire bon usage et tout finira dans des abonnements de chaînes payantes sur des documentaires animaliers que je regarderai même pas parce que je m'endors devant. Bref, on appelle Guillaume. Enfin, on va appeler mon répondeur parce que j'ai pas assez de batterie pour tenir une conversation complète et que de toute façon c'est moi le patron. Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez 1 message sauvegardé. Message reçu samedi 20 janvier à 18h09. Ouais, Péno, je crois que t'as oublié de dire que t'étais un rouquin de merde et que ton avis, on s'en bat les couilles. Tu donnes pas ton prénom, on se demande bien pourquoi. Je suis pas un beauf, j'ai grandi avec ce prénom et j'en suis fier. Peut-être que ma meuf est grosse et moche, mais la tienne, elle est où? T'as été bercé trop près de la Twingo et maintenant t'en as attrapé l'ange Oliver. T'as compris? Ange Oliver. Parce que t'es roux, grosse merde. Et en plus, t'es raciste et t'as fait du HP. Manquerait plus que tu sois juif, on aurait pu t'inscrire au Téléthon. Allez, salut! Dois-je vraiment répondre à ce genre de mec? Est-ce que l'anonymat t'a fait pousser des couilles, mon Guigui? Jusqu'à preuve du contraire, la seule MST que t'as chopé c'était sur la cuvette d'une aire d'autoroute parce que ta mère t'obligeait à pisser assis parce que tu savais pas viser et que tu foutais tout dans la litière du chat. Quand moi j'allais en boîte et que mes potes foutaient des doigts à des tonneaux sur les banquettes d'un carré VIP d'une discothèque où personne connaît le prix de l'entrée parce que même les clodos peuvent rentrer boire une bière, toi, t'avais même pas internet et ta sœur confondait encore les Mr Freeze avec le sgeg du facteur. La punchline c'est moi, la honte c'est toi. Quand j'avais 15 ans et que j'allais à la Jonquera des fourriers de la pute albanaise encore plus bonne que la cousine Avalek avec mes 15 bretons qui détenaient le monopole de la bicrave en Côte d'Armor, toi, ta seule occasion de sortir une capote c'était le matin sur la poignée de la porte de ta mère. Sombre mère, soumets-toi. J'ai conduit des bus sous tous les produits possibles pendant que toi, quand t'oublies de mettre ta ceinture, t'hésites à te dénoncer tout seul. Je chie sur l'éducation nationale qui veut nous faire croire que pour faire de la poésie, il faut avoir des cheveux blancs et tripoter des gamines qui ont mes pecs. Je chie sur tout le monde, y compris ton frère qui a fait des études et qui se permet de se foutre de ta gueule en pleurant pas de famille parce que t'es incapable de sortir la poubelle sans te faire insulter par un passant. Ressaisis-toi, Guillaume, le monde est à toi. Pour une fois que t'as la parole et que tout le monde t'écoute, prouve-nous que t'es un homme, prouve-nous que tu sais rouler des joints, que pour changer un pneu t'as pas besoin d'appeler ton daron et que la dernière fois que t'as fait une terreur nocturne c'était pas hier. Bref, je rigole avec vous, je rigole avec toi, mais fallait que ça sorte.